Souviens-toi. Il y a longtemps de cela, vivait un simple berger qui menait une vie simple. Un jour, alors que le roi de cette contrée, à l'occasion d'un voyage, traversait le champ verdoyant du berger, ce dernier lui rendit un service. Le roi décida alors de prendre le berger à son service au palais. Le berger fit preuve de tant de clairvoyance et d'intelligence qu'en très peu de temps, le roi le nomma conseiller personnel. Les autres ministres et les officiers du roi en furent évidemment furieux et jaloux. Ils essayèrent de convaincre le roi que son conseiller fomentait des plans secrets contre lui et essayait de profiter de lui. Ils dirent au roi : « Savez-vous que votre conseiller va chaque jour dans une chambre éloignée du palais et passe là des heures ? Que peut-il faire d'autre que mettre de côté de l'argent ou planifier quelques fourberies ?» Le roi en fut très surpris. Il décida d'éclaircir l'affaire et de poser les questions au berger lui-même. Le lendemain, quand le berger voulut se rendre dans sa chambre, le roi vint à lui et demanda à voir la pièce. Le berger en fut très étonné et dit « C'est ma pièce personnelle, là où je me retire. » Mais comme le roi insistait pour voir la chambre, le berger ouvrit la porte. Tous furent surpris de voir que la chambre était complètement vide. Il n'y avait que la vieille cape poussiéreuse du berger suspendue au mur. Quand le roi lui demanda de s'expliquer, le berger dit humblement « Je viens ici chaque jour, une heure, et je regarde cette cape. Ainsi je peux toujours voir qui j'étais et d'où je viens, pour que je ne devienne pas fier ni présomptueux et que je puisse me souvenir humblement et avec reconnaissance que tout ce que je suis n'a été rendu possible que par votre grâce. »